Louange à Allah. Louange à Allah qui accepte le repentir de ses serviteurs et pardonne leurs péchés. Il embrasse toutes choses par sa science et sa miséricorde. Il multiplie généreusement les bonnes actions et élève ceux qui les accomplissent en degré. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Rien ne peut le vaincre dans les cieux et sur terre. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, qu'il a soutenu en lui accordant la victoire et les miracles. Seigneur, couvre de tes éloges, de ton salut et de tes bénédictions ton serviteur et ton messager Mohammed, ainsi que ses proches, ses compagnons, et ses compagnons qui étaient les premiers à accomplir tous les biens. Ceci dit, craignez Allah le Très-Haut en vous rapprochant de lui par ce qu'il a agréé et en vous éloignant de ceux qui le mettent en colère et le contrarient. En effet, ceux qui le craignent obtiendront la réussite et le succès, tandis que ceux qui suivent leur passion obtiendront l'échec et le malheur. Chers serviteurs d'Allah, sachez que le bonheur de l'homme et sa réussite se trouvent dans la maîtrise de sa personne, dans la remise en question de son âme, en demandant à celle-ci des comptes sur toute chose, petite ou grande, parole ou acte. En effet, celui qui se remet en question et maîtrise ses paroles, ses actes et ses sentiments, afin de le limiter à ce qui est aimé et agréé par Allah, celui-ci obtiendra une grande réussite. Dans la traduction des versets, il est dit « Et pour celui qui aura redouté son Seigneur et aura préservé son âme des passions, le paradis sera alors le refuge. » Et dans la traduction d'autres versets, « Pour celui qui aura craint son Seigneur, il y aura deux jardins. » Et dans la traduction d'autres versets, il est dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme médite ce qu'elle a préparé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Et dans la traduction d'autres versets, il est dit « Certes, ceux qui sont pieux, lorsqu'une suggestion de Satan les touche, ils se rappellent Allah, et les voilà redevenus clairvoyants. » Et dans la traduction d'autres versets, il est dit « Mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. » Les exégètes ont dit « Allah est juré par l'âme qui ne cesse de se blâmer pour sa négligence envers les bonnes actions, envers les obligations, et se blâme aussi pour avoir commis des péchés. Elle ne cesse de se blâmer jusqu'à ce qu'elle atteigne la droiture. » Et d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et cela ne peut se faire qu'en se remettant sans cesse en question. Et d'après Shaddad ibn Aous, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le sage est celui qui se remet en question et œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Quant à l'incapable, il suit ses passions et espère obtenir la récompense. » Quant à l'incapable, il suit ses passions et espère obtenir la récompense auprès d'Allah. Ce hadith est jugé bon par les savants. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit « Jugez vos personnes avant d'être jugés, pesez vous-même vos actions avant qu'elles ne soient pesées pour vous et préparez-vous pour le jour où vous serez présentés pour votre grand jugement. » Maimoun ibn Mihran a dit « L'homme pieux est plus méticulé dans le jugement de sa personne qu'une personne avare envers son associé. » Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Le croyant perçoit ses péchés comme s'ils étaient en haut d'une montagne et qu'il était au pied de celle-ci, craignant qu'il ne s'effondre sur lui, tandis que le débauché les perçoit comme une mouche qui se pose sur son nez et qu'il repousse d'un simple geste de la main. » Rapporté par Al-Bukhari. Le croyant fait son propre jugement, remet son âme en question, la surveille et l'oriente sur le droit chemin. Il fait le propre jugement de ses actes en s'encourageant à l'adoration et l'obéissance afin de les accomplir avec une sincérité parfaite, exempte d'innovation, d'ostentation et de l'autosatisfaction pour les actes qu'il aura accomplis. Par ses actes, Ses actes, il ne les accomplit que pour le visage d'Allah et pour obtenir la réussite d'Allah et pour obtenir la réussite dans l'au-delà. Il se remet en question afin d'accomplir les bonnes œuvres conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec constance et assiduité dans l'accomplissement des œuvres sans rebrousser chemin ni s'interrompre. À la traduction des versets, il est dit « Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec ceux qui font le bien. » Et dans la traduction d'autres versets, il est dit « Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. » Dans la traduction d'autres versets, il est dit « Nous avons fait descendre le livre sur toi, et en toute vérité, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient le culte pur. » Et dans la traduction des versets, il est dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et très miséricordieux. Soufiane Thaouri disait, je n'ai pas trouvé de choses plus difficiles à corriger que mon intention. En effet, elle est toujours instable. Al-Fadl ibn Ziyad a dit, j'ai interrogé l'imam Ahmed à propos de l'intention dans l'œuvre. Comment doit-elle être? Il répondit, quand on œuvre, on doit corriger et traiter son âme et traiter son intention afin que cette œuvre ne soit pas pour les gens. Et d'après Shaddad ibn Aous, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie avec ostentation aura voué un associé à Allah et celui qui jeûne avec ostentation aura voué un associé à Allah et celui qui fait une aumône avec ostentation aura voué un associé à Allah, rapporté par Ahmed dans le Musnad, ainsi que le Hakim et Tabarani dans son livre Al-Marjam al-Kabir. Il se remet en question dans ses propos et ses paroles. Il ne laisse pas sa langue prononcer des paroles fausses et interdites. Et il se rappelle que deux anges ont la tâche d'écrire tout ce que sa bouche a prononcé, ainsi que tous les actes qu'il a faits, et qu'il sera alors rétribué ou puni pour cela. Dans la traduction des versets, il est dit « Alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. » Et dans la traduction d'autres versets, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un ange qui le surveille prêt à l'inscrire. Et d'après Ibn Abbas radiallahu anhu a dit « Tout ce qui est dit est écrit, autant le bien que le mal, même lorsqu'il dit « J'ai mangé, j'ai bu, je suis parti, je suis venu, j'ai vu, tout cela est écrit. » Et d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, il arrive à l'homme de prononcer, sans y prêter attention, un mot qui lui vaudra l'agrément d'Allah, et pour lequel Allah l'élèvera de plusieurs degrés, de nombreux degrés. Mais, l'homme peut également prononcer, sans y prêter attention, un mot qui lui vaudra la colère divine et lui vaudra d'être précipité en enfer. Rapporté par Al-Bukhari. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Je jure par Allah qui est l'unique, digne d'être adoré. Il n'y a rien sur terre qui mérite plus d'être emprisonné que la langue. » Et Abu Bakr radiallahu anhu prenait sa langue et disait « C'est elle qui m'a entraîné vers la ruine. » Le musulman doit également se remettre en question concernant ses pensées, ses inspirations et ses tentations. Car tout mal et tout bien commence par les pensées et les inspirations émanant du cœur. Si le musulman maîtrise ses pensées et se réjouit des bonnes inspirations et s'apaise face à elles, et les met en pratique, il réussira et obtiendra le bonheur. Et s'il repousse les tentations du diable et ses inspirations et cherche refuge auprès d'Allah contre elles, alors il sera sauvé des méfaits et des péchés. Cependant, s'il est insouciant vis-à-vis de ces tentations et les accepte, elles l'entraîneront vers les interdits. Dans la traduction des versets, il est dit « Et si jamais Satan t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment qui entend tout et qui sait tout. » Allah a également donné l'ordre de chercher refuge auprès de lui dans Sourate An-Nas contre cet ennemi déclaré. D'après Anas radiallahu anhu, le messager d'Allah a dit « Satan est perché sur le cœur du fils d'Adam. S'il évoque Allah, il s'éloigne, mais s'il oublie de l'évoquer, alors il s'empare de son cœur et lui aspire des choses perfides. » D'après Anas radiallahu anhu, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Satan pose son nez sur le cœur du fils d'Adam. S'il invoque Allah, il s'éloigne. Mais s'il oublie de l'évoquer, alors il s'empare de son cœur et lui inspire des choses perfides, rapportées par Abu Ya'la al-Mousli. Donc, en s'éloignant des péchés, on se prémunit des tentations de Satan et se préserve contre ses agissements. Dans la traduction du verset, il est dit, n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne vous en prenez pas à l'âme qu'Allah a rendu sacrée sauf pour une raison juste. Voilà ce qu'Allah a recommandé de faire. Peut-être comprendrez-vous. En effet, celui qui fait son propre jugement et lutte contre son âme, ses bonnes œuvres augmenteront et ses péchés diminueront. Il quittera alors ce bas monde vertueux, sera ressuscité, bienheureux, et sera en compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme témoin. Quant à celui qui suivra ses passions, se détournera du Coran, commettra ce que ses passions lui dictent, et cédera à toutes ses tentations, commettra des péchés, et se laisse conduire par Satan, alors il se fera traîner vers tous les grands méfaits, et demeurera en sa compagnie, dans le châtiment douloureux. Dans la traduction du verset, il est dit, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant à notre évocation, qui poursuit ses passions, et dont le comportement est outrancier. Dans la traduction d'être verset, il est dit, le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une grande distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Et dans la traduction d'autre verset, il est dit, et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes, prenez donc garde à lui. Et sachez qu'Allah est pardonneur et indulgent. Qu'Allah bénisse pour vous et moi ce qu'il y a dans les versets qui se trouvent dans ce noble Coran et qu'il me rende utile les enseignements de son prophète. J'implore le pardon d'Allah pour moi, pour vous et pour tous les musulmans, pour tous les péchés. Implorez donc son pardon, il est celui qui pardonne et le miséricordieux. Louange à Allah. Louange à Allah, qui fait vivre les cœurs par le Coran. Il accepte les bonnes actions et pardonne les mauvaises. Je loue mon Seigneur, le remercie et implore son pardon, et je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Il connaît l'inconnu. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, qui appela à tous les biens. Seigneur, couvre ton serviteur et ton messager Mohammed de tes éloges, ainsi que ses proches et ses compagnons, qui étaient de véritables lumières. Ceci dit, faites preuve de piété véridique, car c'est le meilleur des gains dans ce bas monde et dans l'au-delà. Chers serviteurs d'Allah, le cœur bien vivant est celui qui se réjouit de ses bonnes actions et s'attriste de ses péchés. Quant au cœur mort, il ne s'attriste pas de ses péchés et ne se réjouit pas. Il ne s'attriste pas de ses péchés et ne se rend pas compte de ce qu'il a commis et ne se réjouit pas non plus de bonnes œuvres ou d'actes d'obéissance. Il ne se rend pas compte des punitions qui lui sont infligées pour ses péchés. Il est leurré par sa bonne santé et sa réussite dans ce bas monde, pensant qu'il s'agit de bienfaits et de réussites. Dans un hadith, il est dit, les troubles passent dans les cœurs les uns après les autres. Lorsque le cœur condamne l'un d'entre eux, un point blanc y apparaît. Alors, mais lorsque le cœur cède aux troubles, c'est un point noir qui y apparaît. Les cœurs finissent soit tout blanc ou tout noir. Soit tout blanc. Au point qu'aucun trouble dans les cieux, qu'aucun trouble ne peut lui nuire jusqu'à la fin des temps. Ou tout noir, comme une cruche retournée, il ne reconnaîtra plus aucun bien et ne condamnera aucun mal et ne reconnaîtra que ses passions. Les maladies du cœur lui causent toutes du mal et peuvent lui ôter complètement la vie si l'homme ne se remet pas en question. Se remettre en question jour et nuit, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans, est une marque de bien et de bonne volonté. Ainsi, il saura les péchés qu'il a commis et s'en repentira et rattrapera le bien qu'il a négligé. Ainsi, il pourra se réjouir de ce qu'il a fait et pourra obtenir une fin heureuse. Le croyant a un cœur bien vivant, reste clairvoyant. Lorsqu'il reçoit un don, il est reconnaissant. Lorsqu'il commet un péché, il est repentant. Et lorsqu'il est éprouvé, il se montre patient. Il y a dans le cœur du croyant une conscience qui le met sur ses gardes face à l'insouciance et le met en garde contre ce qui cause sa perte. Dans un hadith, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam traça un trait droit et à côté de celui-ci traça d'autres traits. En haut du premier, quelqu'un appelle et au-dessus de celui au-dessus de lui se trouve quelqu'un qui exhorte. Le trait droit est la voix d'Allah. Celui qui appelle est le livre d'Allah et la conscience au-dessus d'eux est celle qu'Allah a placée dans le cœur de chaque croyant. Quant au trait de part et d'autre, il s'agit des voies de l'égarement, serviteur d'Allah. Allah et ses anges font les éloges du prophète, ou vous qui avez cru, invoquez Allah pour qu'il couvre son prophète de ses éloges et de son salut. Seigneur, couvre Mohammed et ses proches de tes éloges comme tu l'as fait pour Ibrahim et ses proches. Tu es certes noble et digne de louange. Seigneur, couvre notre prophète Mohammed de tes bénédictions et couvre ses proches de ses bénédictions comme tu l'as fait pour Ibrahim et ses proches. Tu es certes noble et digne de louange. Seigneur, accorde ta satisfaction et ton agrément à tous les compagnons et aux successeurs bien guidés du prophète Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ainsi qu'à l'ensemble de leurs compagnons et à ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection. Seigneur, et accorde-nous à nous aussi ton agrément et ta satisfaction par ta générosité et ta bonté, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Seigneur, ô toi le généreux, accorde-nous ton agrément. Seigneur, nous te demandons, toi le noble et le généreux, de nous pardonner nos péchés. Seigneur, pardonne-nous ce que nous avons fait, ce que nous avons repoussé, ce que nous avons fait en public et ce que nous avons fait en cachette. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. Seigneur, accorde-nous une bonne issue dans toutes nos affaires et préserve-nous de l'humiliation dans ce bas monde et du châtiment dans l'au-delà. Seigneur, purifie nos cœurs contre l'hypocrisie et nos œuvres contre l'ostentation et purifie nos langues des mensonges et de la trahison. Ô Seigneur de l'univers, Seigneur, nous te demandons les clés du bien, apparent et caché, les premiers et les derniers. Ô toi le plus noble et le généreux, Seigneur, épargne et dissipe les soucis des musulmans. Seigneur, dissipe les soucis des musulmans. Seigneur, dissipe les soucis des musulmans. Seigneur, soulage les musulmans de leur dette. Seigneur, guéris nos malades et les malades des musulmans. Seigneur, guéris nos malades et les malades des musulmans. Ô Seigneur de l'univers. Seigneur, préserve-nous contre le mal de nos âmes. Seigneur, préserve-nous contre le mal de nos âmes et contre les répercussions et les conséquences de nos mauvaises actions. Seigneur, nous te demandons de nous protéger et de protéger nos descendants contre Iblis, ses démons et ses alliés et ses soldats. Ô Seigneur de l'univers, tu es certes tout-puissant. Seigneur, nous te demandons de nous préserver contre les démons humains ou djinns. Seigneur, utilise-nous dans l'obéissance, dans ton obéissance, et préserve-nous contre ta désobéissance. Seigneur, pardonne à nos morts et aux morts des musulmans. Seigneur, pardonne à nos morts et aux morts des musulmans. Seigneur, illumine pour eux leur tombe et multiplie leurs bonnes actions. Et sois indulgent envers leurs péchés. Ô toi le plus noble et le généreux, par ta miséricorde, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Seigneur, nous te demandons de couvrir la communauté de Mohammed de ta miséricorde. Seigneur, épargne-leur et dissipe les épreuves et les tourments qui ont touché les musulmans dans la région du Chem. Ô Seigneur de l'univers, Seigneur, saisis-toi de ceux qui les ont oppressés et qui ont été injustes envers eux. Ô Seigneur de l'univers, Seigneur, fais triompher ton livre, ta sunna et ta religion. Seigneur, préserve nos soldats et nos armées. Seigneur, préserve nos armées. Seigneur, tu es certes tout puissant. Seigneur, préserve-les dans leur religion, dans leurs biens et dans leurs proches. Ô Seigneur, digne de louange, et ô toi le noble. Seigneur, nous demandons le paradis et ceux qui en rapprochent comme œuvre ou parole, et nous demandons de le protéger contre le paradis et ceux qui y mènent comme parole et acte. Seigneur, nous demandons au toi le plus noble et le plus généreux d'assister le serviteur des terres sacrées, le serviteur des terres sacrées, et de lui accorder de bonnes décisions et de le rendre utile et de faire et de l'aider à faire et à accomplir ce qui est bon pour l'islam et les musulmans. Seigneur, soutiens son adjoint et rends-le utile pour l'islam et les musulmans. Ô Seigneur de l'univers, Seigneur, nous te demandons, ô toi le plus noble et le généreux, de faire descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous une pluie bénie. Une pluie bénie, tu es certes tout puissant. Serviteur d'Allah, Allah ordonne la justice et de faire le bien, et il interdit les turpitudes. Et il vous exhorte afin que vous vous rappeliez. Évoquez Allah, il vous évoquera, et remerciez-le pour ses bienfaits, il les augmentera pour vous. Et sachez que l'évocation d'Allah est la plus grande chose, et qu'il sait ce que vous faites.